Y'a qu'une chose qui me fasse bouger, valser, danser à mort, c'est l'amour, celui qui me fait suer, crier, onduler mon corps pour toujours. Toutefois, j'évite de faire à tort et sur le parcours, la prévention évite parfois la dépression, la désertion, grand exil dans un kibbutz pour un homme. Une fois rassasié, me jetterai sans remords, je me remémore tant d'amour, météore, Moussa, Lucine, morale au point mort, chez Fédil, y'a tout à retaper, tout se détériore. Va savoir quand, pourquoi, comment, avec qui serais-je raccord. Qui me fera voir la vie multicolore, ivre d'amour comme sous l'effet d'une Beaufort. Dès lors, je refermerai le coffre fort, protégerai mon trésor et me battrai pour mon homme. Complices tous deux à la vie, à la mort si Dieu veut. C'est l'amour. Oui, oui. Même pas l'ombre de mon âme sœur dans les décombres. Juste des leurs, des doubleurs, sprinteurs, globetrotteurs du sexe amateur. L'un d'entre eux s'appelait Alex, un branleur. Il avale ses coups de magie, un trait de Tipex. Y'en avait marre d'entendre parler de son duplex. Trop fragile, pas agile, une antiquité ce mec, un Solex. Merlin n'avait qu'un mot à la bouche, une idée en tête. Faire un bambin, j'étais là pour le kiff. En vain, lui pour plus, c'est certain. J'ai changé d'escarpin et premier chagrin. Yongwa, mon premier amour. Trop complexe, trop de contours. Forcément, y'a eu aller-retour. Les noms en haut, c'est mon lot. Ont toujours été des erreurs, des moments de grande frayeur. Freddy, Bolly, mais trop con dans la vie. Donc si j'ai perdu mon regard de sainte, c'est que j'suis bel et bien tombée enceinte. Atteinte dans la crainte et sans plainte. J'ai appuyé teinte sur la touche, on expédie. Et j'ai dû affronter les tu vois, on te l'avait dit. Armand, c'était le super relou. L'éternel trop tasse, trop jeune, trop frime. Le casse-fou qui ne sait jamais ce qu'il veut, qu'il veut. Le vrai fourre-tout, alors on s'est dit adieu. Mais c'est le seul que j'ai vraiment rendu fou, qui n'était pas trop doux, pas trop brut, pas, mec, trop. Pas trop. Mais il y avait toujours un arrière-goût, arrière-goût. Say la. Merde, je suis en panique entre lui et moi, je n'ose y croire, c'est utopique. Chant pas de lézard, je vois pas de traquenard. Même quand on se quitte, on est dans une forme olympique. Je pourrais te dire des conneries, ça me flatterie. Comme être dans tes bras, chérie, chérie, c'est comme un bel été. Mais mon chéri, ce n'est pas pour cela, non, que j'ai saviré si chose. Me lâcher, c'est qu'aujourd'hui, je me sens pas chose. Mes femmes, comme jamais, jamais encore je ne l'ai été. Seule ma mère a su m'aimer à ce jour pour ce que j'étais. Tel premier à ne pas vouloir me transformer, à vouloir faire valoir ma liberté. T'as pas l'air de ceux qui prennent la femme pour un trophée, ni de ceux qui tapent sous prétexte qu'ils sont trop faits. Alors j'ai envie d'essayer de tous les effacer, te serrer dans mes jambes, un plaisir, une coulée douce, salée comme le satiné. Nos deux corps qui se mélangent, mon Dieu que c'est étrange. T'es prévoyant, insolent, un rien arrogant. À mes yeux t'en es pourtant pas moins rassurant. Même si notre histoire ne dure qu'un instant, seules les passions valent le coup d'être vécues passionnément. C'est l'art.